Bonjour, Sébastien Plante qui est avec vous pour cette édition spéciale d'Assemblage requis en plein milieu comme ça du matin entre Assemblage requis original de 7h à 9h et le dîner de con commence à 11h. Pourquoi est-ce que je suis en direct comme ça? Ben, c'est pour recevoir en direct en studio Chantal Archambault. Bonjour, ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, très bien, je suis content de te parler. Moi aussi, ça a été si compliqué de te parler. Donc, le 12 février prochain, l'auteur-compositrice-interprète Chantal Archambault sort un nouvel album nommé Les Élans. Donc, Archambault, j'irais, tu sais, je pourrais être quétaine, je pourrais dire, tu sais, Archambault, Archambelle, Archant talentueuse, Archant sympathique, là, tu pourrais me dire têteux, tu sais. C'est une belle mise en scène. Donc, ton précédent album, La romance des couteaux, date déjà de 2010. Ça a passé quand même assez vite, là. Pas mal de choses ont changé dans ta vie, par contre, depuis ce temps-là. Est-ce que c'est ça qui t'a donné des idées pour l'écriture de ton nouvel album? T'as vu juste. Pas mal ça, hein? C'est sûr que ça a bougé beaucoup, beaucoup dans les deux dernières années. Ben, l'album, faut dire qu'il est terminé d'écrire depuis le mois de septembre. Là, on l'a enregistré à la fin septembre, donc ça fait quand même un petit bout, mais... Oui, les deux dernières années, ça a bougé beaucoup dans ma vie, tant personnelle, professionnelle, c'est sur plein de plans, là, fait que c'est sûr que d'être entre deux puis qu'il se passe plein d'affaires, ça alimente la créativité. Entre les deux, mon cœur balance. Donc, c'est ça, t'as officiellement déménagé ta vie au complet de Val-d'Or à Montréal. Ben oui, j'ai fait le chemin inverse. En fait, au début, j'avais fait le chemin inverse, j'étais partie de Montréal pour aller en Abitibi, puis c'est là que les choses ont commencé à marcher sur le plan musical, fait que c'est là qu'on disait que j'avais fait le chemin inverse, mais là, j'ai reviré de bord, fait que je fais tout plein de chemins inverses, là. Ben, c'est le fun, quand même, mais est-ce que tu t'habitues bien, quand même, malgré que c'était pas ta première fois là-bas, à Montréal, mais tu te réhabitues, donc? Ouais, ben, j'aime beaucoup Montréal, j'ai jamais cessé d'aimer Montréal, donc... Est-ce que ton rythme de vie est différent pas mal? Tu vois la vie autrement là-bas? Ben, c'est sûr que y a des choses qui changent, mais en général, ça bouge. Ben, tu sais, je veux dire, on reste les mêmes personnes. Ben fait oui. Que souvent, on a les mêmes pantoufles, peu importe l'endroit où on se trouve. Là. Vous avez des points de repère un peu. Donc, ton album comprend 12 pièces, l'album Les Élans. Quel sujet est-ce que tu abordes? De quoi parle ton album, mettons, en général? Ben là, c'est ça, c'est un peu, je pourrais dire, ben c'est pas redondant, mais quasiment, là, je parle, c'est sûr que c'est alimenté beaucoup par le côté émotif, parce que je compose beaucoup, tu sais, au gré de de mes émotions. À fleur de peau, là. Ça parle de relations amoureuses quand même, mais tu sais, j'ai de la misère à déroger de ça, fait que c'est peut-être, si j'ai une relation stable pour une couple d'années, ça se peut que ce soit le dernier album, puis j'ai plus rien à dire. J'allais dire, on te le souhaite pas, en même temps, on te souhaite une relation stable. Je vais pas dire, j'espère que tes relations vont mal aller. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ça qu'on me disait pour le deuxième. Il va falloir qu'on organise un scandale dans ta vie pour que tu composes des belles tunes, puis finalement, ben, en tout cas, c'est pas que c'est arrivé, là. On en reviendra pas en détail, mais c'est ça. Exactement. On sait où ça s'en va. Tu avais travaillé avec Danny Placard pour La romance des couteaux. Ouais. Est-ce que tu es bien accompagnée pour celui-là aussi? Ben j'ai décidé de continuer à travailler avec lui justement parce qu'on avait une belle complicité puis qu'on avait envie de poursuivre. Tu sais, on a envie de on a construit quelque chose, fait que c'est souvent bien de pas trop changer rapidement quand tu sais que tu peux encore puiser de tout ce qu'on a construit ensemble, là, donc on a décidé de poursuivre puis ça, je pense que ça a porté fruit. Ben oui, c'est sûr, c'est tant mieux. Ça dénature pas trop la chose non plus, tu restes un peu dans les mêmes sentiers, tandis qu'on s'est influencé on a essayé d'aller chercher un peu d'autres influences, puis être avec d'autres mondes entre-temps, puis on a aussi coproduit avec Guillaume Bourque, un autre de mes musiciens, fait que ça a apporté quelqu'un d'autre, puis ça a aussi enrichi le travail, je pense. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, ça m'inspirait une blague. Puis là, je te demande ton indulgence encore. Si vous faites un duo, Placard à disque, c'est Archambault, magasin de disque, Placard. On laisse faire. Ça va aller. Hey, on est dedans, matin. Ben, faut bien quand même animer le matin. T'as enregistré le tout, encore une fois, donc dans la chaîne à Placard. Placard, encore une fois, un jeu de mots. Ben oui. Ben, le premier, c'était comme ça, mais le deuxième, on s'est payé du luxe. On était dans un super beau, ben deux super beaux studios à Montréal. Puis on a terminé des petits arrangements puis des voix dans la shed. Exactement ça. J'ai vu les photos d'ailleurs sur différents internets. On mentionnait les adresses tantôt pour les photos du tournage. Tu as fait une petite capsule promo pour parler de l'album aussi. Ouais. Donc, j'ai vu grosse collaboration avec les Sœurs Boulay sur 4 pièces d'album. Est-ce que c'est tes chouchous, c'est ton coup de cœur en ce moment, les Sœurs Boulay? Ben, je les aime au bout. Je suis vraiment, vraiment, tu sais, c'est quand même rare que je suis profondément touchée par par des textes. Je sais pas, là, mais ces filles-là sont vraiment venues me chercher. Là, on dirait qu'on a beaucoup de ressemblances sur le plan émotif. Là, je pense qu'on est le même type de filles dans la vie, là. Fait que c'est des filles que j'affectionne particulièrement. Puis tu sais, c'est sûr que sont craquantes, là. Donc je suis bien contente de pouvoir travailler un petit peu avec eux. Ouais. On peut s'attendre donc à plus de collaborations avec elles, peut-être des spectacles, quelque chose comme ça. Ouais, au lancement sont là. Puis ensuite, ben c'est sûr que nos horaires, tu sais, vont peut-être diverger, mais on va essayer de se pogner le plus souvent qu'on va pouvoir. Okay. Petite question par curiosité, tu dis partout que tu considères cet album-là comme ton deuxième. Le premier, le collage en 2007, tu le comptes moins. Pourquoi? Mais c'est juste parce qu'on cherchait à... Tu sais, on a essayé entre le premier, le deuxième, le troisième. On s'est dit que le premier, c'est peut-être plus un démo. Tu sais, il n'a pas été commercialisé. Puis je le vends pas nécessairement en spectacle. Tu sais, j'en ai pas fait beaucoup d'impressions. Fait que... Je suis pas sûre que je vais leur impression non plus pour cet album-là. Fait que, tu sais, s'il y en a qui le veulent, ils ont juste à m'écrire, je vais leur envoyer, mais tu sais, je veux pas vraiment la promotion de celui-là. Fait que c'est pour ça qu'on a comme décidé de trancher, là. Fait que, fallait prendre en réalité, on parle d'un deuxième album, mais... Troisième CD, mettons. Ouais, c'est ça, mais tu sais, sur le deuxième, sur la romance des couteaux, on a repris les tunes qu'on aimait le plus. Ouais, ben, tant sur mieux. Le collage, fait que c'est comme si... comme si le collage n'existait plus. Ouais. Ben, on perd ça dans les boîtes à souvenirs de du collage. Hein, mais il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Je me suis demandé des tunes de cet album-là en spectacle. Des fans depuis le début. Comment? Des fans depuis le début. Ouais. Donc, si on revient à ton plus récent, Les Élans, il y a un hommage aux enfants d'une communauté autochtone. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson-là? Ben, en fait, j'ai été 2 ans à travailler avec eux avant de partir, justement. C'est une communauté qui se trouve à 100 km de Val-d'Or dans le parc La Vérendrye. Ça s'appelle Kitsakik. C'est une des communautés les plus pauvres en Amérique du Nord. Puis j'étais beaucoup empreinte de ce que j'ai vécu dans cette communauté-là. C'est des gros défis, mais en même temps, c'est des gens qui sont en processus de guérison, fait qu'il se passe vraiment beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Puis ils cherchent beaucoup à s'en sortir, à sortir de tout ce qu'ils ont vécu. Puis les enfants, ben, tu sais, ils sont empreints de tous ces vécus-là aussi, veux pas. Puis l'organisme Jeanne Miss Saint-Monde, c'est par l'entremise d'eux que j'ai pu travailler avec ces enfants-là. Donc, tu sais, je me suis beaucoup attachée, puis je tenais à leur rendre un certain hommage, puis à leur dire que je pense à eux, puis que je les ai pas quittés pour rien, là. Tu sais, ça a été super déchirant, mais tu sais, en faisant une chanson... pour eux, je les garde près de moi, en quelque sorte. Là. Ouais. justement, si on reste dans le domaine de l'album, là, j'essaie de faire un peu ça dans l'ordre quand même. La pièce Les Détours, qu'on va entendre à la toute fin de l'entrevue tantôt, c'est l'extrait radio, en fait, de l'album Les Élans. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette pièce-là? Ben, tu sais, c'est encore... je vais te faire répéter, moi, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est une chanson qui parle de se laisser emporter par les relations amoureuses. Il y a des choses des fois qui se contrôlent pas, il y en a d'autres que oui, mais on dirait que quand ça fait du sens, ben tu te laisses emporter, tu te laisses porter par tout ça. Fait que c'est des fois de faire un espèce de saut, puis tu sais pas trop où ça va t'amener, mais souvent quand tu t'écoutes comme du monde, ben c'est pour le mieux. Tu as été nominé à la disque en 2011 pour meilleur album country. Comment est-ce que tu vois la suite de ça? Est-ce que ça te met de la pression pour le deuxième album? Comment est-ce que tu vois ça? Ben, je veux pas le voir comme une pression. Là. Dans le fond, le premier, tu sais, on s'est vraiment fait connaître par bouche à oreille. Là, c'est sûr qu'il y a un peu plus de mise en marché. On essaie de se faire voir un petit peu plus. Tu sais, j'étais à Montréal, donc ça aide. Là. Le premier, j'étais pas investie du tout. T'sais. Le deuxième, ben, c'est sûr que j'ai mis beaucoup de temps, tu sais, d'énergie puis tout ça, fait qu'on dirait que les attentes sont peut-être plus élevées par rapport à ce que j'ai investi moi dedans là, puis ce que tout le monde autour de moi a investi. T'sais, c'est fou comment les gens autour de moi travaillent. Fait que tu sais, à un certain niveau, tu veux pouvoir rendre l'appareil ou faire en sorte que tu sais, de faire le meilleur pour que tout le monde soit récompensé d'avoir mis des efforts. Fait que c'est sûr qu'il y a un certain je veux pas le voir comme une pression, mais c'est fébrilité. Non, c'est sûr, là, il y a vraiment plus de fébrilité que le premier. Ouais. T'as fait une trentaine de concerts en première partie de Vincent Vallière. Mm-hmm. Ouais, mais t'as aussi fait les premières parties de Richard Desjardins, Mara Tremblay, David Martel, Bonjour Brumaire, Danny Placard, évidemment. Avec qui est-ce que Bernard Adamus? D'accord, tout à fait. oui. La liste Allons complète. avec qui est-ce que t'aimerais jouer le plus un jour? Ben, moi, c'est sûr que Richard Desjardins, je l'adore, ce monsieur-là. Là. C'est aussi une question de conviction. Là. J'ai toujours admiré tout ce qu'il faisait sur le plan social là, au niveau de l'environnement. En même temps, c'est bien proche, c'est, en tout cas, de ma famille. Là, mon, en tout cas, bref, je commencerai pas à rentrer là-dedans. Là, mais il a vraiment fait des choses extraordinaires sur le plan environnemental au Québec. Puis ses chansons m'inspirent vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est mon choix numéro un. Si je pouvais choisir avec qui j'aurais le goût de faire des shows. Mm-hmm. Super. Tu chantes sur l'album de Tire le Coyote. Qui est sur la palmarès depuis très récemment, c'est une nouvelle entrée. Mm-hmm. Comment ça s'est passé, cette collaboration-là? Ben nous, on avait déjà collaboré ensemble pour son premier, parce qu'on trouvait donc bien que nos vies, puis nos styles, puis notre façon d'aborder la musique se ressemblaient. Là. Mm-hmm. Les deux, on travaillait avec les enfants. On a vraiment, on avait la même formation au niveau académique. Puis, on était aussi dans une dynamique, lui, il a des enfants. Il est à Québec, moi j'étais en Abitibi, tu sais, on avait vraiment comme la même vision de comment on voulait engager nos choses, puis nos styles musicaux se rapprochaient, puis ses textes m'allumaient épouvantablement. Fait que, tu sais, j'ai chanté sur son premier, ben c'est, en fait, il a fait un premier single, je pense, EP, puis après j'ai chanté sur son premier album, puis j'étais vraiment contente qu'ils veulent me revoir sur le deuxième. Ça a été fait dans une église, c'était complètement magnifique. C'est fait que ça a donné quelque chose de super beau. Là. Ouais. Les critiques sont vraiment bonnes, puis c'est super le fun pour lui. Là. Bon futur pour lui aussi. Ouais. On peut se procurer ton album en version vinyle. Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui t'amène à proposer ton album dans ce format-là? Une passion pour le vinyle? Ouais, ben oui, ouais. C'est vraiment, c'est l'objet. C'est vraiment, tu sais. C'est ça, c'est le retour de la qualité, on dirait, là, de, tu sais, on fait tout du cheap puis du dans les airs, puis... Ouais, de l'air, ça, c'est des MP3. Ça, c'est vraiment un objet, t'en prends soin, tu peux, tu sais, on a mis une photo inédite dedans, tu sais, on lui a donné quelque chose de plus, il va être magnifique, il va être de qualité, fait que, tu sais, dans le fond, c'est un objet de collection, si on peut dire, puis il est pas mal plus cher que le CD, là. Il est 5$ de plus, là. Puis même en commande, il est 15$, là. Fait que oui. C'est vraiment, on a essayé de le rendre accessible justement pour inciter les gens à l'acheter, puis ils ont la version MP3 aussi. Qui peuvent, fait que tu sais, c'est d'essayer de retrouver cette qualité-là qu'on tend à perdre des fois, là. Mmh. À travers tout ça. Ouais. Et justement, les gens qui se procurent la version physique, que ce soit vinyle ou CD, si je me trompe pas, t'as la pièce, les détours tout de suite? Quand tu l'achètes, tu peux avoir accès tout de suite au single. Parfait. Voilà. Donc, on va justement entendre la pièce Les Détours dont tu nous parlais tantôt et on te remercie beaucoup, Chantal Archambault. Hey, merci à toi. Passe une belle journée. Salut, toi aussi. Merci, salut. Remplie par Voilà, c'était Les Détours, une pièce de Chantal Archambault sur son nouvel album Les Élans, qui sera disponible à partir du 12 février prochain. Allez voir chantalarchambault.bandcamp.com, facebook.com/chantalarchambault musique et chantalarchambault.com. Les liens sont sur assemblagerequis.com, évidemment. Et c'est tout pour cette édition écourtée, super rapide, faux filet d'Assemblage Requis. Je vais vous retrouver cet après-midi à entre 15h et 18h pour les Palmarès C'est Fou. Restez là pour le Dîner de Con qui s'en vient avec, avec Denis Janvier, avec 11h. 11h de musique. Non, Denis Janvier qui sera là. Avec vous, il y aura entre autres la bière de la barrique dans son émission. Et c'est ça. Bonne journée. Bye. Vite fait, bien fait. Au revoir.